Bon matin tout le monde, Danny Veilleux et le bulletin de sport complet de l'édition du 6 juin. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional d'abord en parlant de Alexandre Gagnon qui va jouer son premier match ce soir dans l'uniforme des Stampeders de Calgary. Alexandre Gagnon qui est assuré de jouer au quatrième quart comme ailier défensif et va participer également sur toutes les unités spéciales. On l'a rejoint hier sur les ondes de danoisdesport.com et il explique évidemment que ça va très très bien au camp des Stampeders. On va l'écouter là-dessus. Oui, écoute, ça va bien. C'est sûr que c'est les professionnels, c'est vraiment une grosse coche comparée au football universitaire québécois. Mais j'étudie mon cahier de jeu, je fais ce que les coachs me demandent. Et dans un deuxième temps, ben Alexandre Gagnon nous mentionne que la différence entre le football canadien, le football professionnel et le football universitaire, selon lui, ça va beaucoup plus vite. Le plus flagrant, c'est vraiment la vitesse. OK. Les joueurs sont vraiment tous rapides. Même les joueurs de ligne offensive, qui sont des gros bonhommes, sont super rapides. C'est sûr que pour la grosseur, les joueurs de ligne offensive sont gros, mais écoute, je suis habitué de jouer contre l'Université de Montréal, l'Université Laval, qui sont connus pour avoir des plus grosses lignes dans le football canadien. Donc, je suis pas trop impressionné. En fait, ça me donne un avantage parce que sur la ligne, pour avoir, on appelle ça le leverage, il faut que tu sois plus bas que ton adversaire pour gagner la bataille de la force. Okay. Là, je me ramasse avec des gars qui sont grands comme moi, fait que j'ai plus de facilité à avoir un bon leverage, comme on dit, parce que les gars sont grands, contrairement à quand je joue au Québec. Et dans un dernier temps, ben Alexandre Gagnon nous mentionne l'attention que tous les joueurs ont au camp des Stampeders de Calgary. Il est vraiment bien traité là-bas, à Calgary. Incroyable, toute l'attention, toutes les choses qu'ils font pour nous. Puis on a des joueurs qui ont été signés. On a un joueur de ligne défensive qui est arrivé avec nous cette semaine qui a été coupé par les Alouettes. Oui, Jeff Parrott. Jeff Parrott, oui. Il nous en parle. Pour vrai, les gars, vous n'avez aucune idée parce que c'est la première fois que vous êtes là, mais vous êtes vraiment bien ici. Puis jusqu'à maintenant, j'ai rien à dire sur l'organisation ici. C'est vraiment une très belle organisation. C'est quoi tes journées? Ça ressemble à quoi? Parlons maintenant de hockey. Les Saguenay de Chicoutimi, on sait, ont repêché un joueur natif de Mastouillache. Il s'agit de Missioum Awashish, qui est un choix de quatrième ronde lors du dernier repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Dans une entrevue hier sur les ondes de danoisdesport.com, Awashish s'attendait d'être sélectionné par les Saguenay de Chicoutimi. C'est sûr, déjà en partant, c'est avec les entrevues qu'on avait eues, les rencontres que j'ai eues avec les Saguenay, je savais que j'avais un bon feeling pour ce qui était des Saguenay. C'est sûr, rendu là-bas, on ne sait pas ce qui peut arriver. Il peut arriver n'importe quoi. On peut se faire réclamer par n'importe quelle équipe. Mais à vrai dire, oui, c'est sûr, j'avais une très bonne impression, un très bon feeling ça, pour les Saguenay. Awashish se décrit comme un joueur pouvant jouer dans les deux sens de la patinoire. Moi, c'est sûr, c'est un joueur qui est tout oué, je peux dire, qui a pas joué des deux côtés de la patinoire. C'est un joueur ça, qui joue de l'émotion, qui est capable de jouer robuste. Puis, Et dans un dernier temps, Awashish nous parle évidemment qu'il va tout faire pour évoluer l'an prochain avec les Saguenay de Chicoutimi. Quelle méritancière de l'école secondaire des Chutes. On va vous donner les différents gagnants. D'abord au niveau volleyball féminin, l'athlète de la relève Annie-Ève Goulet et Megan Tremblay. Également l'athlète par excellence au niveau du deuxième secondaire, c'est Florence Bollini. Au football, l'athlète de la relève au niveau offensif est Maxime Lemieux. Athlète par excellence au niveau offensif également, Mathieu Ouellette. Athlète de la relève au niveau défensif, Samuel Potvin. Athlète par excellence au niveau également défensif, Michael Girard. Athlétiste, l'athlète de la relève du côté des gars, c'est William Perron. Chez les filles, c'est Emma Rose Tremblay. Athlète par excellence au niveau des gars, Mathis Girard et l'athlète féminine, Maïka Pécha. Au niveau du cross-country maintenant, athlète de la relève, Jason Godreau a été choisi comme l'athlète de la relève chez les gars. Et chez les filles, c'est Coralie Potvin. Au niveau du cross-country, athlète de la relève, au niveau des hommes, c'est Gabriel Lamontagne. Au niveau des filles, c'est Miralie Mathieu. Badminton, athlète de la relève chez les gars, c'est José Desmarquis. Et chez les filles, Jasmine Jacques. Athlète par excellence, au niveau des hommes, c'est Jérémy Paquette. Et au niveau des filles, Coralie Potvin. Et au niveau ping-pong, l'athlète par excellence est Adam Gauthier. Meilleur esprit d'équipe, Étienne Lambert chez les gars. Et chez les filles, Béatrice Bérubé. Meilleure éthique sportive au niveau des gars, Sacha Lavoie et Renaud Saint-Gelin. Et chez les filles, c'est Sarah-Jeanne Simard. Ainsi que l'athlète par excellence au niveau de l'école, c'est Gabrielle Lamontagne qui a obtenu ce titre. Et chez les filles, Caroline Dufault ainsi que Miralie Mathieu. Et le coup de cœur de l'année va à Léonie Glaser. Hier, sur les ondes de danseresport.com, le professeur d'éducation physique à l'école secondaire des Chutes, Jocelyn Gagné, mentionne pour quelle raison qu'on fait ce genre de gala à l'école secondaire des Chutes. Les jeunes, quand les jeunes t'en donnent, c'est facile d'en donner. Je pense qu'on est bien représenté au niveau de la commission scolaire. On a deux équipes de volleyball féminine, une grosse équipe de badminton, secondaire 1, secondaire 2. On a une équipe de football. Une équipe, on emmène 80 à 90 athlètes en cross-country. On emmène 70 en athlétisme. On est souvent, les jeunes, on ne tire pas sur les autres. Ils viennent sur une base volontaire, plus ou moins. Même si c'est pas études, je vous invite donc à écouter la section entrevue de danseresport.com. Hier, je me suis entretenu avec Jocelyn Gagné de l'école secondaire des Chutes. Michiam Awashish, des Saguenay de Scutimi, vient nous parler de sa sélection en quatrième ronde. Alexandre Gagnon de Dolbeau-Mistassini va jouer son premier match avec les Stampeders de Calgary. Il est avec nous également dans la section entrevue de danseresport.com. Sport local et régional à danseresport.com, on s'en occupe.